真的没有 你完美答案。 1, 90 fois indécis, partie 2. 90 tos, toujours autant de tos. Des fois je sais pas ce que je veux, mais c'est déjà ce que je veux pas. J'ai appris à pas me retourner, à part quand y'a un proche qui reste. 09 et E19, soit les mallettes sont toutes rouges. Faut remplir le kangou, ou la mallette est marocaine. On charbonne deux fois 12 heures, on connaît pas les arrêts de jeu. On sait que le pardon libère, mais l'état fait sanctionne. Si je révite sur toi fils de, tu verras qui fonctionne. J'ai pas passé la tonne, mais j'en ai fait des tonnes. En bas tu vas tourner trop grillé. Au loin j'aperçois la monde. En bas tu vas tourner trop grillé. On la coupe, on la découpe, on la revend. Bobo chevron, on est carbo dans bâtiment. On la coupe, on la découpe, on la revend. Trafiquant dans les travaux, bâtis le ciment. Ça parle en bas, ça parle en euros, ça parle en briques. Photo ça parle en litre, tu dis qu'il tape d'élastique. On laisse pas la roue tourner, non, on vient direct. À la vie, à la mort, mais t'étais où quand ça tirait? Bang bang, ils traînent avec les petits, s'étonnent quand il leur manque de respect. Tu à Dubaï, j'hésite entre Lambo et la Benz. Mais des personnes va t'aider, non personne va t'aider. Ils sont jaloux du Mercedes. Maman veut que je quitte le barrio. En bas tu vas tourner trop grillé. Au loin j'aperçois la mort. Que de la moula, que de la moula. J'suis dans le Zula, pas pour le dégay, pas pour Kuma. Tu connais si les cousins, j'bombarde, change de couloir. Y'a la police, mets les voiles. Bang bang dans le four, ça tire. Fais un tour, un détour et retour. Nous voir, c'est tout pour la tour, on se dit. Fuis la cour, fume la frappe, t'as la demande. Maman veut que j'quitte le barrio. En bas du bâton, on est trop grillé. Au loin j'aperçois la monde. En bas du bâton on est trop grillé. On la coupe, on la découpe, on la revend. On la coupe, Bobo chevron, on est carbo dans bâtiment. On la coupe, on la découpe, on la revend. Trafiquant dans les travaux, bâti le ciment. La base.